mars en terrasse, avril en ville. En mai je fais ce qu'il me plaît. Place aux herbes, aux grenettes, à mater les pépettes. Cette fille est souveraine, cette fille a un cul de reine. On tient la corde, on se garde mobile. À l'arrêt, en rébane, on se laisse tranquille. On emballe au tribunal, on lézarde au hasard. Quoi de neuf, pas plus, on zone ou on bouge. Mais moi, j'aime bien regarder les filles. Et moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien regarder les filles. Moi, j'aime bien. Parfum dans l'air, goût du rien faire. Sur j'exagère, j'ai des trucs à faire. Mais de sorte dont-elles, toutes ces hirondelles. Cette fille est souveraine, cette fille a un cul de reine. Toi la joue futile, moi ne bouge viril. Corolle au pistil, juste une question de style. Est-ce lune en capricorne, est-ce magie, bonnet du forme. Nos yeux nous maudisent, aïe, je paralyse. Mais moi, j'aime bien regarder les filles. Moi, j'aime bien regarder les filles. Moi, j'aime bien. C'est qui cette fille aux yeux kiwi? Mais moi, j'aime bien.